Section 43 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Chapitre 8. Troisième partie. Les communes, suite par Arthur Giry et André Réville. Pouvoir législatif et administratif des magistrats communaux. Les magistrats communaux avaient le pouvoir législatif, rendaient des ordonnances, réglementaient l'industrie. Ils recevaient le produit des amendes, administraient très mal, il est vrai, les finances municipales, géraient les biens communaux, fixer et lever les impôts nécessaires à l'entretien des édifices et des fortifications, au fonctionnement des services, taille, péage, octroi, ton-lieu. Ils commandaient enfin les milices, les exerçaient et les conduisaient au combat. Il y a cependant un privilège que les villes, même les plus favorisées, ne partagèrent jamais avec les seigneurs, au moins en France. C'est celui de battre monnaie. Quoi qu'on ait prétendu, on n'a pas retrouvé de pièces frappées à l'empreinte communale. Dans l'exercice de ces multiples prérogatives, les magistrats, cela va sans dire, avaient pour auxiliaires des fonctionnaires ou, comme on disait au Moyen-Âge, des officiers. Tels étaient le receveur municipal, nommé dans le nord argentier, dépensier, trésorier, dans le midi claver, le clerc de la commune, véritable secrétaire de mairie, qui servait en même temps de greffier du tribunal. Tels étaient de nombreux employés, sergents, huissiers, officiers de police, guetteurs, portiers. Dans les villes importantes, on déléguait même certains pouvoirs à des commissions, comme celle des peseurs, sorte de juge de paix, chargé d'un rôle de conciliation avant les procès, des gardes orphelins, à qui l'on confiait la tutelle des orphelins, et bien d'autres, préposés à l'entretien des fortifications, à la répartition des impôts, etc. Le sceau communal, enfin, les communes de même que les barons, jouissant de droits seigneuriaux, avaient un sceau, symbole du pouvoir judiciaire, administratif, législatif, dont elles étaient en possession. C'était la marque de l'affranchissement, de l'entrée dans la classe féodale. D'abord, elles n'en eurent qu'un seul, le sceau communal. Plus tard, ce grand sceau fut réservé aux actes solennels, d'intérêt général, et l'on fabriqua le sel aux causes, appelé ailleurs le sel aux connaissances, d'un format plus exigu, à l'usage des actes d'importance secondaire, pour donner l'authenticité au jugement, au contrat des particuliers, etc. Ces empreintes, qui se sont conservées en grand nombre, sont fort intéressantes. Ce sont des documents incontestés, émanant des communes elles-mêmes et révélant, en un singulier relief, la nature et les prétentions de ces petites seigneuries. Sur les unes, comme celle de Saint-Omer, on voit une séance du conseil communal. Ailleurs, comme à Arras, c'est le siège même de la municipalité, le hangar monumental des marchands, devenu l'hôtel de ville. D'autres donnent une image réduite du lieu, de son enceinte de murailles. Souvent, elles affectent une apparence belliqueuse, représentant un château fort, un homme d'armes, le maire debout, revêtu de la cotte de maille et le casque en tête, le bouclier et l'épée à la main. À Poitiers, à Saint-Riquier, Saint-Josse, Péronne, Douillance, c'est un cavalier, équipé de toutes pièces, qui personnifie la puissance bourgeoise. Le beffroi. La commune, d'ailleurs, est une place forte, analogue au château seigneurial, entourée de murs. Il ne lui manque même pas le donjon, qui est le beffroi. C'était une haute tour carrée, s'élevant sur l'une des places de la ville, dans laquelle étaient suspendues les cloches publiques. Les sonneurs, perpétuellement au guet, d'où leur nom de guetteurs, s'y tenaient en permanence, surveillaient d'une même tourelle tous les points de l'horizon, donnaient l'éveil à la population dès qu'un danger apparaissait. C'était eux qui appelaient les bourgeois à l'assemblée, les ouvriers au travail, les habitants au repos nocturne en sonnant le couvre-feu. Et comme à cette époque, les cités n'avaient pas encore élevé les admirables hôtels de ville que certaines d'entre elles devaient construire au XIVe, au XVe et au XVIe siècle, c'est le beffroi, à défaut de la halle, qui leur servait souvent de maison commune. Au bas de ces tours, elles installaient leurs prisonniers. Au-dessus était la salle de réunion des échevins. Plus haut encore, on déposait les archives, les chartes, les sceaux, le trésor. C'était le centre, le lieu de ralliement. En résumé, les communautés affranchies étaient engagées comme des chevaliers dans la hiérarchie féodale, à titre de vassal et à titre de suzeraine. Au-dedans, que leur constitution fût très aristocratique ou ne le fût qu'à demi, que les magistrats, dépositaires de l'autorité publique, fussent légions ou seulement quelques-uns, le fait général est qu'ils exerçaient, de même que les feudataires, des pouvoirs judiciaires, législatifs, financiers, que les villes libres avaient leur sceau particulier, leur beffroi, emblème d'une seigneurie, signe palpable de leur ressemblance avec des baronnies. Quand le roi détruisait une commune et se l'appropriait, il faisait briser le sceau et démolir le beffroi. Quand il s'emparait d'un fief, il faisait raser le donjon. Au-dedans, comme au-dehors, la commune nous apparaît comme une seigneurie collective. La paix publique dans les communes. Gardons-nous de croire que les chartes de franchise et mis un terme aux luttes passionnées entre les villes et les seigneurs. Sans doute, les communautés ne furent plus victimes d'exactions accablantes, mais elles cherchèrent sans cesse à développer leurs prérogatives, tandis que les suzerains s'efforçaient à leur tour de revenir sur les concessions passées. Et d'autre part, sans respect pour les juridictions juxtaposées aux leurs, elles tentèrent sans cesse d'expulser les féodaux qui avaient conservé des domaines ou des droits sur le territoire municipal. Or, comme l'émancipation leur avait assuré de puissants moyens d'attaque et de résistance, il en résulta des luttes vives, des crises aiguës et prolongées. Et, s'il y a du charme à posséder la liberté et la force de se battre, au risque même d'être vaincu, il est à présumer aussi que les populations eurent souvent à souffrir. Conflit avec l'Église. C'est avec l'Église surtout que les bourgeois eurent d'incessants démêlés, parfois tragiques. Si le clergé nourrissait à leur égard un esprit d'hostilité systématique, il lui témoignait des sentiments aussi malveillants. Il prétendait notamment le soumettre à la taille communale, le forcer à participer aux dépenses publiques, d'où des résistances et de violents conflits. Au commencement du XIIIe siècle, les habitants de Verdun, ayant contraint les ecclésiastiques à payer l'impôt, l'évêque s'en fut réunir des troupes, assiégea la cité et la soumit. Les communes violaient aussi les privilèges de juridiction des chapitres et des abbayes, poursuivaient les malfaiteurs jusque sur leur domaine au mépris du droit d'asile, arrêtaient les vassaux et les domestiques des clercs. À Noyon, en 1222, les magistrats s'emparent d'un serviteur du chapitre de Notre-Dame, dans le cimetière de cette église et le jette en prison. Aussitôt, le chapitre met la ville en interdit, excommunie le maire et les jurés. Alors, les bourgeois aux cris redoublés de « commune, commune » se réunissent, envahissent le cloître, la cathédrale, où ils blessent l'official, le doyen, un chanoine. Les moines sont poursuivis dans les rues, insultés et hués. En 1294, à Laon, deux nobles maltraitent un bourgeois. Le peuple prend parti contre eux, leur donne la chasse, mais ils se réfugient dans la cathédrale. Un dignitaire espérant les sauver, les fait monter dans une tour, et comme on refuse de les livrer, la multitude garde les portes. Le lendemain, le tocsin appelle tous les habitants aux armes. La foule pénètre en tumulte dans l'église, saisit les nobles et le receleur, et les traîne par les pieds et les cheveux, à travers les rues et les places, jusqu'à la maison du bourgeois brutalisé. Là, ces forcenés les frappent à coups de poing, de bâton, de hache, et les jettent en prison, où l'un d'eux succombe. À Beauvais, à Reims, à Arras, tous les bourgeois s'engagent à ne rien vendre aux clercs ni à leurs agents. Ils les affament. De leur côté, les seigneurs ecclésiastiques n'étaient guère plus tendres. L'abbé de Vézelay, l'évêque de Beauvais, mirent leur propre ville en état de blocus, interdisant aux habitants des localités voisines d'apporter des vivres à leur villa. En 1305, l'évêque de Beauvais, renouvelant les exploits de l'archevêque de Cambrai, livrait sa propre cité à des bandes armées qui la mettaient au pillage, à feu et à sang. Ailleurs, les cours ecclésiastiques, appuyées par les tribunaux royaux, écrasaient les communautés sous les amendes. L'histoire de la commune de Soissons ne fut qu'une longue série de conflits entre la magistrature bourgeoise et le chapitre. Beauvais, Corbie, Laon, Saint-Riquier furent en hostilité perpétuelle avec l'Église. Les confréries des villes du Midi. La paix ne régnait pas davantage dans les cités du Midi. Là, les habitants, pour organiser la lutte contre leurs ennemis communs, instituaient de véritables sociétés secrètes, sous le nom de confréries. À Marseille, en 1212, les citoyens formèrent une confrérie pour défendre les innocents et réprimer les violences iniques. Toulouse, Bayonne, avaient leur confrérie politique, très redoutée des seigneurs. À Avignon, en 1215, les nobles se plaignaient d'avoir été spoliés par les confréries. À Arles, dans la première moitié du XIIIe siècle, l'archevêque est constamment à lutter contre ses associations jurées. Vers 1232, une servante de Bertrand d'Alamanon accusait le prélat d'avoir fait périr en prison un certain Junker, peut-être Guillaume de Jonquière, pour avoir été l'un des chefs de la confrérie. En 1235, une de ces sociétés renverse le podestat, s'empare du gouvernement, impose le serment d'obéissance à tous les habitants, prend le palais de l'archevêque, ses domaines et ses bestiaux, pousse la témérité jusqu'à mettre l'église en interdit, célébrant des mariages sans l'intervention ecclésiastique, défendant de rien vendre aux clercs, même de leur apporter de l'eau. À tout moment dissoute, la confrérie se reforme sans cesse, à mesure que se renouvellent les passions, aussi mobiles que violentes. Discorde intestine et sociale. Quand les bourgeois ne se battaient pas contre leurs ennemis communs, ils se battaient entre eux. Le corps des citoyens se divisait, en général, en deux ou plusieurs factions, groupées derrière les quelques familles qui se réservaient les honneurs publics en se les disputant. Et c'était entre elles des guerres sans fin, se transmettant de génération en génération, si acharnée que dans plusieurs villes du Midi, nous l'avons vue, elle rendit nécessaire l'institution du podestat. Au cours du XIIIe siècle, ces rivalités de famille se compliquèrent de troubles sociaux, autrement graves. Dans toutes les villes, rappelons-le, même là où la Constitution avait eu au début un caractère démocratique, le pouvoir était aux mains de riches bourgeois, qui régnaient sans partage et sans contrôle, et dont un clerc de Troyes, dans un roman intitulé « Renard le contrefait », enviait l'inaltérable et indolente fortune. Cette caste, aussi exclusive, aussi étroite que la classe féodale, se montrait aussi dure pour la plèbe qui l'avait soutenue, l'accablant d'impôts, de charges, d'injustices. Mais le peuple, qui formait la majorité des habitants, ne tarda pas à s'organiser, à former une petite commune dans la grande, une association ayant ses règlements et ses chefs, se conjurant à son tour, fomentant des émeutes contre l'aristocratie. Ce qu'il reprochait surtout à la coterie dominante, c'était la mauvaise administration des finances municipales. À tout propos, il accusait les magistrats de malversation et de vénalité, et réclamait le droit de surveiller leur gestion. Et après cela, disait Beaumanoir, quand le commun demande qu'on lui rende des comptes, ils se dérobent en disant qu'ils se sont rendus leurs comptes les uns aux autres. Le grief était fondé, car les villes s'obéraient de plus en plus, en Angleterre comme en France, dans les Pays-Bas comme en Allemagne et en Italie. Il en résultait des désordres fréquents. À Beauvais en 1233, la ville était divisée en deux camps, celui du bas peuple et celui des grands, représentés spécialement par les changeurs. Un soulèvement se produit. La populace se précipite sur les changeurs. Il y a des blessés et des morts. La paix est tellement troublée que Saint-Louis désigne d'office un maire étranger à la cité. À peine celui-ci est-il arrivé que les émeutiers le poursuivent, l'insultent, lacèrent ses vêtements en lui criant « Voilà comment nous te faisons maire !» Alors, le roi marche sur la ville insurgée, renverse les maisons des principaux coupables et emmène 1500 factieux en prison. À cette date, l'aristocratie était encore trop forte pour laisser entamer ses privilèges. Mais à la fin du XIIIe siècle, comme le mal dont souffraient les populations urbaines n'avait fait qu'empirer, ce fut un déchaînement de haine et d'émeutes auquel il devint impossible de résister. Dans les cités italiennes, le petit peuple, ou comme on disait à Florence, les arts mineurs, parvint à se faire représenter dans les conseils publics, dans la région flamande, à Gand, Douai, Bruges, Ypres, Arras, la populace se souleva entre 1275 et 1280. À Rouen, vers le même temps, un maire fut massacré. Devant ce flot de revendications menaçantes, les coteries bourgeoises devaient capituler. Et au cours du XIVe siècle, les communes de Flandre, comme celles d'Allemagne, allaient faire une plus large place aux corporations ouvrières dans l'élection des magistrats, mainmise de la royauté sur les communes françaises. En France, ce fut la royauté qui se chargea de rétablir la paix des cités et des bourgs. Dès le règne de Philippe Auguste, les légistes de la couronne avaient proclamé le principe que toutes les communes du royaume, celles qui étaient situées dans les seigneuries des feudataires, aussi bien que celles du domaine, étaient villes royales et relevaient immédiatement du souverain. Leurs successeurs s'appliquèrent avec succès à faire prévaloir cette doctrine, évoquant à la cour du roi les cas royaux qu'ils soustrayaient aux juridictions municipales, recevant en parlement les appels de leurs sentences, convoquant à l'ost du roi des milices ou communes, contrôlant l'administration des magistrats, s'immisçant dans les élections et frappant d'amende les communes indociles. Soucieuse de faire droit aux plaintes populaires, de restreindre l'arbitraire de l'oligarchie, la royauté modifia souvent les constitutions au profit de la plèbe, mais elle en profita pour confisquer les libertés communales. Voici de quelle manière. Sous Saint-Louis, la Chambre des comptes étendit son contrôle sur la gestion des finances municipales. Les budgets des villes, dont beaucoup nous sont parvenus, montrent que le plus souvent, les dépenses dépassaient les recettes et que le chiffre de la dette, en général, était énorme. Mais il est juste d'ajouter que la fiscalité royale fut en bonne partie responsable de cet état désastreux. Non contente de voir les communautés surchargées de taxes et d'impôts, elle s'appliqua à les appauvrir, les accabla d'amendes énormes pour les moindres fautes. Certaines, de cette façon, de les réduire à sa merci. Tutelle rongeante, envahissante, qui sous prétexte de justice, dépouillait les protégés sur lesquels elle s'étendait. Ruinée, agitée par les émeutes du menu peuple, tracassée par les fonctionnaires royaux, les communes finissaient par solliciter une liquidation. Et cette liquidation était la suppression de leurs privilèges, de leur autonomie, de leur indépendance. Nombre de villes devaient succomber ainsi, notamment sous Philippe le Bel. Et celles qui devaient survivre n'allaient conserver qu'un vain simulacre de leur ancienne condition. Cette fois encore, la royauté agissait envers elles comme avec les seigneurs. Nous venons de dépasser les limites chronologiques de cette étude. Il le fallait pour dépeindre le régime politique et social auquel les communautés urbaines étaient soumises et les conséquences qu'il entraîna. Des mêlées incessantes avec les seigneurs, lutte mortelle avec le clergé, discorde intestine et guerre civile provoquée par la tyrannie oligarchique d'une caste fermée. Tel fut l'état quotidien des villes libres au Moyen-Âge, jusqu'au jour où la constitution des unes se modifia, où les autres virent s'étendre sur elles la main royale. On appelait parfois ces constitutions municipales « institutions de paix », amère ironie. Jamais liberté ne fut plus batailleuse, plus exclusive que dans ces petites républiques, et l'on se peut demander si la condition de la plèbe n'y fut pas quelquefois aussi rigoureuse que par le passé. À ce compte, la révolution communale n'aurait eu pour effet que de soustraire les masses à l'arbitraire d'un homme, pour les livrer à l'exploitation d'un groupe, de substituer à la seigneurie d'un maître la seigneurie collective de quelques bourgeois. Reconnaissons toutefois que malgré tous ces défauts, le régime communal eut l'incontestable mérite de réveiller l'esprit public dans les villes, de secouer la torpeur des habitants, de les passionner pour des causes générales, de développer en eux les sentiments de fierté noble et indépendante que la liberté inspire, non seulement à ceux qui jouissent de ses bienfaits, mais encore à ceux qui s'efforcent d'y atteindre. Fin de la section 43. Enregistré par Margot.